Je vais essayer tes accords, Dirty. Dirty? Play, I follow you. soir. Pas d'inspiration. Soit un truc tout cool. tiens. Salut les mecs, j'ai fermé le resto. Alors, repos maintenant, Pépé. C'est pas la mienne. En plus il pleut, ça glisse. Et puis c'est un gros cube. Alors je sais pas si t'as le permis. Ah que la moto, ça se prête pas. C'est pas une moto, tu vois. Vu qu'elle fait que 125 cylindrés. J'ai tout cassé, c'est une moto. J'en ai marre, j'ai fait le beau. Moi, c'est une petite tête 150. Oh, j'ai le blues, tu vois, bébé, ce soir. J'ai le blues. C'est pas grave, y'a plus grave, tu vois. D'accord. Allez, on change. La même avec les accords. Your song is very... Ah, c'est pas grave, c'est quoi le do mineur? Il m'en manque un. C'est quoi le do mineur? On enlève un doigt. Que tu montes à la troisième case. La mineur. Vas-y, répète. Retiti. Je suis perdu, tu vois. On fait n'importe quoi. Mmh. les accords. Mais si c'est perdu les accords, ils sont où? G, B, C. G, B, C. Et après, C plus. Fermer la grille, tu fais un ré. Thank you. La lumière revient déjà et le film est terminé. Je réveille mon voisin. Thank you. Young and in my prime, I left my homie Caroline. putain, le premier arrivé attend l'autre, hein. T'as le mec, j'ai nerveux les pieds. Comment il fait le mec? Je me demande comment il fait le mec les pieds. Ouais. Le gonz épileptique total. Non, c'est pas possible. Et j'ai vu des mecs qui battaient comme ça. Là. Des groupes de punk. Tu peux me faire un roulement, s'il te plaît? Merci. Tu peux même faire un roulement un petit peu plus épuré. Plus épuré, tu vois. Voilà, là c'est beaucoup mieux là. T'as pas un autre son de cloche? Voilà, là ça fait bien militaire là. Voilà, c'est bien militaire. C'est Robocop ton truc. En triolet, tu l'as? Yes, ma chavoir. Bon, allez, sérieux. king of the tools, I'm lost and bright. Piled up seen only a evil remain. Watch out, brother, for the long black train. Can't find redemption staring back into your eyes. There is protection, as bees will seem. Bounty your ticket for that long black train. Putain, les points sur le permis. Putain de 125, vain Dieu. Non, tu déconnes. Et je suis monté à 160 avec un 125 Yamaha TZR. Personne ne nous croit, mais je te jure que j'étais à côté de la voiture. C'était une préparation, Saron. Ah oui, tu peux.